Fabrice Lucchini lit Gustave Flaubert. Si tous les jours de ma vie avaient pu se passer près de toi, oui, je me laisserais aller à ce courant sans crier au secours. J'aurais trouvé en toi pour mon cœur, mon corps et ma tête un assouvissement quotidien qui ne m'eût jamais lassé, mais séparé, destiné à nous voir rarement. C'est affreux, quelle perspective et que faire? Pourtant, je ne conçois pas comment j'ai fait pour te quitter. C'est bien moi cela, c'est bien dans ma pitoyable nature. Tu ne m'aimerais pas, j'en mourrais, tu m'aimes et je suis à t'écrire de t'arrêter. Ma propre bêtise me dégoûte moi-même. C'est que de tous les côtés que je me retourne, je ne vois que malheur. J'aurais voulu passer dans ta vie comme un frais ruisseau qui en eût rafraîchi les bords altérés et non comme un torrent qui la ravage. Mon souvenir aurait fait tressaillir ta chair et sourire ton cœur. Ne me maudis jamais, va, je t'aurais bien aimé avant que je ne t'aime plus. Moi, je te bénirai toujours. Ton image me restera tout imbibée de poésie et de tendresse, comme l'était hier, la nuit dans la vapeur laiteuse de son brouillard argenté. Ce mois-ci, je t'irai voir, je te resterai un grand jour entier. Avant 15 jours, 12 même, je serai à toi. Que Phidias m'écrive et j'accours, c'est convenu, est-il remis de sa colère, ce bon Phidias? A-t-il compris le sens du cadeau? Tâche de lui bien faire entendre que c'était pour le faire rire et rêver et lui rendre un peu la satisfaction qu'il nous avait causée. Tu veux que je t'envoie quelque chose de moi? Mais non, tu trouverais tout trop bien. Ne m'as-tu pas assez donné sans y joindre tes éloges littéraires? Tu veux donc achever de me rendre fat? Et puis, je n'ai rien de lisible. Tu ne t'y reconnaîtras pas au milieu des ratures et des renvois n'ayant rien fait recopier. N'as-tu pas peur de te gâter le style en me fréquentant? Tu voudrais que je publiasse quelque chose tout de suite. Tu m'exciterais, tu finirais par faire que je me prendrais au sérieux, ce dont le ciel me garde. Autrefois, la plume courait sur mon papier avec vitesse. Elle y court aussi maintenant, mais elle le déchire. Je ne peux pas faire une phrase, je change de plume à toute minute parce que je n'exprime rien de ce que je veux dire. Tu viendras à Rouen avec Phidias, tu feras semblant de l'y rencontrer et tu me feras une visite ici. Cela te satisfera mieux que toutes les descriptions possibles. Alors tu penseras à mon tapis et à la grande peau d'ours blanc sur laquelle je me couche dans le jour, comme moi je pense à ta lampe d'albâtre quand je regardais sa lumière mourante ondulée sur le plafond. Avais-tu compris ce soir-là que je m'étais donné ce terme? Car je n'osais pas, je suis timide, va, malgré mon cynisme, à cause de lui peut-être. Je m'étais dit, j'attendrai jusqu'à ce que la bougie soit éteinte. Oh, quel oubli de tout. Quelle exclusion du reste du monde. Comme elle était douce, la peau de ton corps nu. Et quelle joie hypocrite je savourais dans mon dépit pendant que les autres étaient là et qu'ils ne s'en allaient pas. Je me souviendrai toujours de l'air de ta tête, quand tu étais à mes genoux par terre et de ton sourire ivre quand tu m'as ouvert la porte et que nous nous sommes quittés. Je suis descendu dans les ténèbres, sur la pointe du pied comme un voleur, n'en étais-je pas un? Et tous sont-ils aussi heureux quand ils fuient chargés de leur butin? Je te dois une explication franche de moi-même pour répondre à une page de ta lettre qui me fait voir les illusions que tu as sur mon compte. Il serait lâche à moi, et la lâcheté est un vice qui me dégoûte sous quelque face qu'il se montre de les faire durer plus longtemps. Le fond de ma nature est, quoi qu'on dise, le saltimbanque. J'ai eu dans mon enfance et ma jeunesse un amour effréné des planches. J'aurais peut-être été un grand acteur si le ciel m'avait fait naître plus pauvre. Encore maintenant, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la forme, pourvu qu'elle soit belle et rien au-delà. Les femmes qui ont le cœur trop ardent et l'esprit trop exclusif ne comprennent pas cette religion de la beauté, abstraction faite du sentiment. Il leur faut toujours une cause, un but. Moi, j'admire autant le clinquant que l'or. La poésie du clinquant est même supérieur en ce qu'elle est triste. Il n'y a pour moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà, rien.